Sésame, ouvre-toi. César, ceux qui vont mourir te saluent. Que cela soit écrit et accompli. Gouvernement Jet Set, ta page délire, le monde est à nous. Spachani, Firi, Sakato, Francesco, Kamosé, Dadi. Mangoko to bayaya, mangoko to nabino bayaya. Sauveur Michel Langa, Jean-Charles Tchikaya, Son Excellence Jean-Pierre Moutaba. Le vieux bombasse, rendez-vous dans le resto terminal. Y'a mon gangate, Machuna, au moins il suffit miracle, c'est la bisotère. Japonais au Quito, Junior au Quito, Patrick Tabou, Didier Zonga, Didier le parfum de marque, Simon Lungela, la taille de référence. Son Excellence Edi Angulu, Kokopi, Franchi, Papa Bibi, Salon José Mapouya, Langa, Yvan Otoubi, Otoro, le garçon magique. Yeah. Stratégia.